Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bon dimanche soir. Bienvenue, Case, comment ça va? Comme toujours. Comme super, chaque dimanche soir, forme. Tu es là en pleine forme. Après une grosse semaine de mix partout dans le monde entier. Et ouais, dans le monde entier. Hier, on était à Paris. On a enflammé le dance floor. Et là, il nous reste beaucoup de force pour le Rail Suprême de ce soir. Voilà, Rail Suprême, comme chaque dimanche soir, entre minuit et une heure. C'est Case au contrôle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? On va écouter des nouveautés du Bled, vu que je reviens d'Algérie, de Maroc. T'es chaud, t'es chaud. J'ai mes fournisseurs officiel. Là-bas. Voilà, il y a le style cabaret qui cartonne en ce moment. Et on va faire découvrir un ou deux titres. Dont Cheb Nadir, qui a un succès en ce moment. Dans le Maghreb. Et ben en route pour l'Algérie, Maroc, Tunisie, en route pour Rail Suprême. Go! Avec DJ Case au platine, c'est parti! Skyrock, Rail Suprême, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Ah bon, c'est comme ça. Mais aïni, sans tresse, t'as liani. C'est bon, écoute. Et un babour, y a mon amour. Kharjoui, dans la rivière. Californie, en fumée, 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le hedge, m'en bats. Je voudrais passer les NM, ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, jouera la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahman, laisse-toi et danse. Ça fait plaisir. Et un babour, y'a mon amour. Kharjoui, m'en la misère. Débrouillard, je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est con, dis-nous le sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Je suis, je m'arrive et je l'inouïe. Et y'a le bas. soir. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. No, she ain't talking about what she got. Just trying to with things about you. The reason why you lose, she got no. She's stepping through my shoes and feeling it. Hustling for they go eat you, cause I try to alleviate you of it. What will elevate you, is it? So keep back, meditate the view.

l'argent des gens nourrit les gens, mais l'argent de quelqu'un c'est l'argent de l'autre. De Rise Supreme comme chaque dimanche soir entre minuit et 1h du mat. Et Keys, non seulement il est sur Skyrock le dimanche, mais sinon partout ailleurs et la semaine et surtout les week-ends aussi. Le week-end surtout. Donc alors le samedi 11 la semaine prochaine, je suis à Chili Mazarin, ça s'appelle le Standing. Le 17 octobre c'est à Lille à la Cirta, et le 18 octobre, c'est-à-dire le samedi de la semaine prochaine, à la Dict, c'est à Saint-Étienne. Voilà, c'est pour le mois d'octobre. Exactement. Pour suivre, dans un instant, on va revenir avec une nouvelle session mixée par DJ Case. On rappelle qu'il y a toujours aussi Paris ou en New York. Hein. Bien sûr, l'album est toujours dans les bacs. Ah ouais, ça marche fort. Ça, il y a des super bons retours et voilà, les titres se font connaître les uns après les autres. Et voilà, on est super content et on retrouve justement toutes ces actualités sur la page fan DJ Case Facebook, DJ espace KYZ, et sur Instagram et Twitter. Donc mon nouveau Twitter, c'est DJ Case Paris. Voilà, voilà. Très bien, suivez DJ Case et on revient juste après ça. Bougez pas. Nana se qu'aime, les jaloux on le sème, on s'en bat les clés. Nous on a la classe, Rouma c'est des clés. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Hitadi, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, fond de capito. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée d'invigo dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Foie gras, halal, confiture de figue à la recherche d'une halal. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, en plus tu fais l'appel. Je fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'envient, je fais du bif, ils sont tous en l'air, gars. Rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile. Ouais, poto, je suis ta fin vraie. Et jusqu'à là, j'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde d'Europe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues.

عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والرفقات غبية يا لي بويا واش كل لي بلا ويلي ويلي وعرجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والرفقات غبية Rock. Vas-y, ouais, vive les barres et les amis ou la DJK sur Skyrock. دي كيز اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي سمعهم لحبيب يعرف حوالي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا آه يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا C'est DJ Case et c'est déjà fini, Case. Aïe, aïe, aïe. C'est fou comme ça passe vite une heure, ça. Comme ça. Eh ouais, c'est la nuit, c'est comme ça. Voilà, c'est le dimanche soir pour bien débuter la semaine. Rail Suprême mixé par Case. Très content d'avoir passé la soirée avec vous. Et ben merci d'être passé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette semaine tu repars où là cette semaine La semaine prochaine, je suis à Chili Mazarin, donc au standing. Le 17 octobre, je suis à Lille, à la Cirta. Le 18 à Saint-Étienne. Le 24, c'est à Clermont-Ferrand. Et le 25, je suis à Montferrat, c'est à côté de Lyon. Voilà. Donc on reste en France et la semaine quand on peut aller voyager pour aller chercher des nouvelles musiques, comme on l'a fait ce soir, on y va. Et ben Rancard la semaine prochaine, Rancard aussi. Aussi demain dans les bacs pour ceux qui aiment l'Algérino parce que t'as une prod aussi dessus. Bien hein, sûr, ouais. Grosse garde-robe, oui. Signé DJ Case, donc loupez pas l'album de l'Alger qu'on a pu découvrir cette semaine dans Planète Rap. Bon courage à lui. Aigle Royal, et nous on se retrouve la semaine prochaine, Case. Allez, ciao. Ciao.